tout début des années 2000, peut-être 2000-2001, avec bien entendu toujours emmené par le leader Daniel Gildenlow, c'était le morceau. Un cheese pour ce groupe qu'on n'a pas vu ces dernières années très, très actif et qui reste pour moi l'un des meilleures formations de métal progressif des années 2000, tout simplement. On passe à du bon vieux hard rock maintenant avec le groupe de Graham Bonnet, le Graham Bonnet Band, le chanteur bien entendu de Rainbow et bien entendu de Alcatraz. Nous revient avec son groupe solo et un album live, ce sera le classique All Night Long qu'on diffuse tout de suite sur Overdrive. You're walking up with your eyes on me, looking good, but I just don't know. You know what you wanna see. Let it show. Yes, vous venez d'entendre le groupe Cheap Trick avec son dernier album All Washed Up qui vient de voir le jour sur BMG et ce morceau super bien envoyé, The Riff That Won't Quip, tout de suite sur Overdrive. On revient à ce qu'on avait diffusé la semaine dernière avec le dernier album de Lynch Mob. Lynch Mob, toujours emmené par le bon vieux George Lynch qu'on a aussi connu au sein de Dokken pour les amateurs de hard rock américain. Il s'agit là de leur dernier album Dancing with the Dead qui vient de voir le jour sur le label Frontiers Records et on passe tout de suite au morceau Love in Denial. Pour le groupe Lynch Mob tout de suite dans Overdrive pour encore une fois un morceau tout en groove sur lequel on reconnaît bien justement la patte guitaristique du père George Lynch, tout de suite dans Overdrive. On va passer à du heavy metal pur et dur. Maintenant, avec le fils de Guy Hansen, ce sera Induction et son groupe qui nous propose ici son dernier album sur le label Raining Phoenix Music, tout de suite. Et ce sera le premier single extrait de ce Love Kills avec ce Steel and Thunder qu'on va écouter tout de suite dans Overdrive sur Radio Dio Induction. You can't kill a human being. You said so yourself. And go! You don't have to do this. You don't want to do this. Desire is irrelevant. Steel and thunder is my destiny. Yes, vous venez d'entendre le groupe Induction avec Steel and Thunder, extrait de cet album Love Kills qui paraîtra au début de l'année 2026. Maintenant, autour du groupe Frozen Land qui nous passe sur Ice Melter pour ceux qui sont actuellement dans la neige. Il n'y en a pas vraiment beaucoup dans notre région. Néanmoins, ils ne feront fondre la glace avec ce Ice Melter sorti sur A Massacre Records, qui se veut un album, on va dire, un petit peu hommage à la scène speed metal, power metal de groupes comme Stratovarius ou alors Sonata Arctica. Il est sorti il y a de ça un peu plus de 25 ans. Ce sera le morceau Dead End par Frozen Land. Tout de suite, vous écoutez toujours Overdrive, Radio Dieu. Voilà pour le groupe Frozen Land avec ce Dead End pour une petite tournée de Power Metal sur Overdrive Radio Dune. Il est temps de passer maintenant au groupe français Dark Rose qui nous sort cet album What's Next sur le label M&O Music, du bon rock and roll. Là aussi, ce sera The Other Side qu'on envoie tout de suite sur Overdrive. They told me that because I'm somebody's special. With simple needs and a heart of clay. It might be hard to find somebody special who may be free from a lot of cares. I'm in the mood for more than a friendship. Vous venez d'entendre le groupe Oma Jali avec ce mini-album 5-6 titres. Ce sera Challenge, c'était le morceau Somebody New. Tout de suite sur Overdrive, c'était avant ça le groupe Dark Rose pour là aussi du métal, enfin plutôt du rock alternatif sur Overdrive. Et on va pas revenir à des terres purement heavy metal avec le bon vieux King Diamond. Et j'ai décidé ce soir de ressortir son album de 2003, c'était le Puppet Master, toujours assez théâtral et grandiloquent que ce King Diamond avec cet album là aussi, peut-être pas le plus, on va dire, connu ou alors phare de sa discographie. Ça reste qu'un album très solide dans lequel on a de très bons titres comme sur ce Magic qu'on envoie tout de suite sur Overdrive Radio Tour. All the people heading for home. Du chanteur de Rammstein, Till Lindemann, avec Alice Anders Sick, tout de suite sur Overdrive, le chanteur enchaîné ici, les polémiques et d'ailleurs peu de presse sur son dernier album. On dirait que à la fois les maisons de disques ainsi que tout ce qui est magazine, etc., ont décidé de ne plus trop lui faire de pub suite à des récents problèmes. Voilà, on va pas s'étendre là-dessus, on va laisser plutôt parler de la musique, c'est ce qui nous intéresse dans Overdrive. Liebe, Liebe. wenn ich in deine Augen schau. Alles, alles ändert sich. Alles, alles ändert sich. Et maintenant, le groupe Halo Effect nous sort cet album We Are Shadows, The Cover EP, sur lequel ont décidé, les Suédois de Halo Effect, de se faire plaisir et d'interpréter pas mal de morceaux qui ont dû les inspirer tout au long de leur carrière. On y retrouve du Danzig, on avait d'ailleurs déjà diffusé ce morceau, How the Gods Kill, même un Wasp avec I Wanna Be Somebody, et d'autres choses également de la pop suédoise avec le groupe Kent qui nous fait ce If You Were Here tout de suite, sur laquelle la voix de Michael Stanne fait des merveilles. Halo Effect tout de suite avec If You Were Here. Dream. Ils ont joué à Lyon du côté de l'Altony Garnier début novembre. C'était le groupe Parkway Drive, The Greatest Fear, qu'on va diffuser tout de suite pour ce groupe qui maintenant a une certaine notoriété. Il faut bien le reconnaître. Extrait de son album Darkest Hills, ce sera le morceau The Greatest Fear par Parkway Drive. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre le groupe Parkway Drive tout de suite avec ce The Greatest Fear, extrait de l'album Darker Steels. Maintenant, dans The Drive, du hardcore pur et dur avec Struck a Nerve pour une petite baffe entre les oreilles. Struck a Nerve tout de suite pour ce hardcore crossover du meilleur effet et plutôt bien enjoué. Et on va continuer maintenant avec un côté un peu plus post pour le groupe Parlor et son dernier album Tears for Everything qui vient de voir le jour sur Source Atone Records. Ce sera le morceau Juvenile. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre le groupe Parler tout de suite avec ce morceau Juvenile tout de suite. Et maintenant, ce sera du bon vieux death metal old school avec Cadaver et cet album Hallucinogenicity. Voilà, j'y suis arrivé et ce sera le morceau Abnormal Deformity tout de suite. Get off! Get off! Voilà, vous venez d'entendre le groupe Cold Paradise tout de suite sur Overdrive Radio Duo. On va maintenant bientôt quitter l'émission sur une longue plage musicale avec le groupe Maudit. Maudit qui nous sort cet album sur la Clonosphère, ça s'appelle In Situ pour ce trio quatuor instrumental sur lequel on a quand même quelques petites parties chantées. Donc on rappelle le www.radiodio.org, on rappelle également le www.facebook.com/overdrive-radio-audio, tous les podcasts des émissions également hébergés sur Mixcloud. Je sais que j'ai pris un petit peu de retard ces dernières semaines, mais ça devrait être très vite rattrapé. Donc comme je le disais, on va se quitter au son de Maudit avec une longue plage musicale qui devrait terminer l'émission sur, on va dire, un côté assez expérimental, très bienvenu. Merci, ciao, bye bye.